колоссальное лицо. Voilà, la dernière fois. Reçoit la confidence que la grève, ça m'arrangeait très bien. Je veux dire que, comme je n'avais aucune envie de vous raconter quoi que ce soit, parce que j'étais moi-même embarrassé. Est-ce que l'on entend? Bon. Est-ce que vous entendez comme ça? Hein? Est-ce que je veux pas parler plus fort? Je trouve que ça marche ou ça ne marche pas? Ça marche? Hein? Ça marche? Ça marche ou ça ne marche pas? Ça ne marche pas? Ça marche? Parce que ça me serait très facile de trouver un autre prétexte. Peut-être que ça ne marche pas, pareil. Non pas que cette fois-ci, je n'ai pas quelque chose à vous dire. Non pas, il est certain que la dernière fois, j'étais trop empêtré, là, entre mes nœuds et Joyce, pour que j'eusse la moindre envie de vous en parler. J'étais embarrassé. Maintenant, je le suis un peu moins parce que comme ça, j'ai cru trouver des trucs. Enfin, des trucs transmissibles. Je suis évidemment plutôt actif, je veux dire que ça me provoque la difficulté, de sorte que pendant tous mes week-ends, je m'acharne à me casser la tête sur quelque chose qui ne va pas de soi, n'est-ce pas? Il ne va pas de soi que j'ai trouvé ce qu'on appelle, enfin, le prétendu nœud borroméen. Et que j'essaie de forcer les choses, en somme. Parce que Joyce, il n'avait aucune espèce d'idée du nœud borroméen. C'est pas qu'il n'ait pas fait usage du cercle et de la croix. On ne parle que de ça, même. Et un nommé Clive Hart, qui est un esprit éminent, qui s'est consacré à commenter Joyce, en fait grand état de cet usage du cercle et de la croix, en fait grand usage dans le livre qu'il a intitulé lui-même Structure in Jane Joyce et tout spécialement à propos de Finnegan Wake. Alors, la première chose que je peux vous dire, c'est ceci. C'est que l'expression « faut le faire » a un style de maintenant. Je veux dire que on l'a jamais autant dit. Ça se loge tout naturellement dans la fabrication de ce nœud. Il faut le faire. Il faut le faire, ça veut dire quoi? Ça se réduit à l'écrire. Ce qu'il y a de frappant, de curieux, c'est que ce nœud, comme ça que je qualifie de coronéen, savoir pourquoi ben, est un appui à la pensée. C'est ce que je me permettrai d'illustrer du terme qui pour j'écris comme ça. D'écrire autrement la pensée. C'est un appui à la pensée qui justifie l'écriture que je viens de vous mettre là sur cette petite feuille de papier blanc. C'est un appui à la pensée, à la pensée. Mais c'est curieux qu'il la faille. Cet appui, si je peux m'exprimer ainsi. C'est curieux qu'il faille l'écrire pour en tirer quelque chose, parce que il est tout à fait manifeste que ça n'est pas facile de se représenter cette chaîne, puisqu'il s'agit en réalité non pas d'un nœud, mais d'une chaîne. Cette chaîne borroméenne, ça n'est pas facile de l'avoir fonctionné rien qu'à la pensée. Cette fois-ci, en coupant le terme, en coupant le « là » de pensée, ce c'est pas facile. C'est pas facile même pour le plus simple. Et c'est bien dans quoi ce nœud porte quelque chose avec lui. Il faut l'écrire. Il faut l'écrire pour voir comment ça fonctionne. Mention du davantage. Cette façon d'écrire. Ce que ça permet de... Et que ça indique que le dit n'est pas du tout forcément vrai. Voilà. Autrement dit, le dit qui résulte de ce qu'on appelle la philosophie n'est pas sans un certain manque. Manque à quoi? J'essaie de subler par ce recours à ce qui peut, dans le nebo, que s'écrire. Ce qui ne peut que s'écrire pour qu'on en tire un parti. Il n'en reste pas moins que ce qu'il y a de philia dans le philo, qui commence le mot philosophie, ce qu'il y a de philia peut prendre un poids. C'est le temps en tant que pensée. Pensée, non pas la pensée, mais le temps pensé. Le temps pensé, c'est la philia. Et ce que je me permets, enfin, avancer, c'est que l'écriture, dans l'occasion, change le sens, le mode de ce qui est en jeu, et ce qui est en jeu, c'est cette filia de la sagesse. La sagesse, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui n'est pas très facile à supporter autrement que de l'écriture du nebo elle-même. De sorte qu'en somme, pardonnez à mon infatuation, ce que je fais, ce que j'essaie de faire avec le beau, ça n'est rien de moins que la première philosophie qui me paraisse se supporter. La seule introduction de ces nebos de l'idée qu'ils supportent un os en somme. un os. Et qui suggère, si je puis dire, suffisamment quelque chose que j'appellerai dans cette occasion. Qui est bien ce qui caractérise la lettre dont je l'accompagne, cet objet, la lettre petit a. Et si je le réduis, cet objet, à ce petit a, c'est précisément pour marquer que la lettre en l'occasion ne fait que témoigner de l'intrusion d'une écriture comme autre. Comme autre, précisément un petit cas. L'écriture en question vient d'ailleurs que du signifiant. Bon. C'est quand même pas d'hier que je me suis intéressé à cette affaire de l'écriture, que j'ai en somme remis la première fois que j'ai parlé du trait lunaire. Ein Ziger Zug dans Freud. J'ai donné du fait d'une œuvre en roméen un autre support à ce trait lunaire. Un autre support que, comme ça, ça ne vous est pas encore sorti, que dans mes notes, j'écris DI. DI, ce sont des initiales, et ça veut dire droite infinie. La droite infinie en question, ce n'est pas la première fois que vous m'entendez en parler. C'est quelque chose que je caractérise de son équivalence au cercle. C'est le principe d'une œuvre roméenne. C'est que, en combinant deux droites avec le cercle, on a l'essentiel d'une œuvre roméenne. Pourquoi est-ce que la droite infinie cette vertu, cette qualité. C'est parce que c'est la meilleure illustration du trou. La topologie nous indique que dans un cercle, il y a un trou au milieu, et même qu'on se met à rêver sur ce qui en fait le centre, ce qui se prolonge dans toutes sortes d'effets vocabulaires, le centre nerveux par exemple, dont personne ne sait bien exactement ce que ça veut dire. La droite infinie a pour vertu d'avoir le trou tout autour. C'est le support le plus simple du trou. Alors, qu'est-ce que ceci nous donne à nous référer à la pratique? C'est que l'homme est non pas Dieu, est un composé trinitaire. Composé trinitaire de ce que nous appellerons éléments. Qu'est-ce qu'un élément? Un élément, c'est ce qui fait un, autrement dit, le trait unaire. Ce qui fait un, d'une part, et ce qui, du fait de faire un, amorce la substitution. La caractéristique d'un élément, c'est que on procède à leur combinatoire. Alors, réel, imaginaire et symbolique, ça vaut bien, après tout, me semble-t-il, l'autre triade dont, à entendre Aristote, on nous faisait le jus de composer l'homme, à savoir nous psyché soma, ou encore volonté, intelligence, affectivité. Voilà ce que j'essaie d'introduire avec cette écriture. Ça n'est rien moins que ce que j'appellerais une logique de sac et de corde. Parce que, évidemment, il y a le sac. Il y a le sac dont mythe, si je puis dire, consiste dans la sphère. Mais personne, semble-t-il, n'a suffisamment réfléchi aux conséquences de l'introduction de la corde. Et que ce que la corde prouve, c'est qu'un sac n'est clos qu'un calficine, et que dans toute sphère, il nous faut bien imaginer quelque chose qui, bien sûr, est dans chaque point de la sphère et qui la noue, cette chose dans laquelle on souffle, et qui la noue d'une corde. Les gens écrivent leurs souvenirs d'enfance. Ça a des conséquences. C'est le passage d'une écriture à une autre écriture. Parlerai dans un moment des souvenirs d'enfance de Joyce, parce qu'évidemment, il faut montrer en quoi cette logique dite de sac et de corde est quelque chose qui peut nous aider à comprendre comment Joyce a fonctionné comme écrivain. La psychanalyse, c'est autre chose. La psychanalyse passe par un certain nombre d'énoncés. Il n'est pas dit que la psychanalyse mettre dans la voie d'écrire. C'est bien ce que je suis en train de vous imposer par mon langage. C'est que ça mérite d'y regarder à deux fois quand on vient de demander au nom de je ne sais quelle inhibition d'être mis en posture d'écrire. J'y regarde quant à moi à deux fois. Quand ça m'arrive, comme à tout le monde, on vient me demander ça, de lever je ne sais quelle inhibition d'écrire. Parce que c'est pas du tout tranché qu'avec la psychanalyse, on y arrivera. Ceci suppose une investigation à proprement parler de ce que ça signifie d'écrire. Et très précisément, ce que je vais suggérer aujourd'hui concerne Joyce. Il m'est venu comme ça, dans la boule. La boule qui, dans l'occasion, est loin d'être sphérique, puisqu'elle se rattache à tout ce qu'on sait. Hein? Personne n'entend. Bon. Comme ça, dans la boule, que Joyce, c'est quelque chose qui lui est arrivé, et qui lui est arrivé par une voie dont moi, je crois pouvoir rendre compte quelque chose qui lui est arrivé et qui fait que chez lui, ce qu'on appelle comme ça couramment l'ego, un tout autre rôle que le rôle simple qu'on s'imagine simple, que le rôle simple qu'il joue dans le commun qu'on appelle mortel. Mortel, à juste titre. L'ego chez lui a rempli une fonction. Une fonction dont, bien sûr, je ne peux rendre compte que par mon mode d'écriture, ce qui m'a mis sur la voie vaut quand même un peu la peine d'être signalé, c'est ceci. C'est que l'écriture est tout à fait essentielle à son ego. Et il l'a illustré quand, dans une rencontre avec je ne sais plus quel Jean Foutre qui venait l'interviewer. Je n'ai pas retrouvé le nom, je ne sais pas que je ne l'ai pas cherché, mais c'est un épisode bien connu. Il est peut-être dans Gorman, enfin je ne l'ai pas retrouvé dans Hellman, qui est sûrement le meilleur, soigneuse des biographies de Joyce. Je ne l'ai pas retrouvé, non pas que ça ne s'y soit sûrement pas. C'est parce que je n'ai pas eu le temps ce matin de le rechercher. Il s'agit de quelque chose dont un quelconque biographe de Joyce fait état. Quelqu'un un jour est venu le voir et lui a demandé de parler de ce qui concernait une certaine image. C'était une image qui reproduisait un aspect de la ville de Cork. Alors, Joyce, qui savait où attendre son type au tournant, lui a répondu que c'était Cork. À quoi le type a dit, c'est bien évident que je sais ce que c'est un aspect de la grande place, disons, de Cork. Je la reconnais. Mais qu'est-ce qui encadre? À quoi Joyce, qui l'attendait au tournant, lui a répondu Cork, c'est-à-dire ce qui veut dire, traduit en français, du Liège. Ceci est donné comme illustration du fait que dans Joyce, dans ce qu'il écrit, il en passe toujours. Il suffit de lire le petit tableau qu'il a donné de Ulysses, qu'il a donné à Stuart Gilbert, qu'il a donné aussi, quoique un peu différent, à Linati, qu'il a donné à quelques autres, qu'il a donné à Valérie Larbon. C'est que dans chacune des choses qu'il ramasse, qu'il raconte pour en faire cette œuvre d'art qu'est Ulysses, dans chacune de ces choses, l'encadrement a toujours au minimum avec ce qu'il est censé raconter comme rapport à une image, a toujours un rapport, au moins d'homonymie, que chacun des chapitres d'Ulysse se veuille être supporté d'un certain mode d'encadrement qui, dans l'occasion, est appelé dialectique, par exemple, ou rhétorique, ou théologie. sait bien ce qui est pour lui lié à la, à l'étoffe même de ce qu'il raconte. Et alors, ceci bien sûr n'est pas sans évoquer les petits ronds qui eux aussi sont le support de quelques encadrements. La question est la suivante. Qu'est-ce qui se passe quand par suite d'une faute, conditionnée pas uniquement par le hasard, car ce que nous apprend la psychanalyse, c'est qu'une faute ne se produit jamais par hasard. Qu'il y a derrière tout lapsus, qu'il y a derrière tout lapsus, pour appeler ça par son nom, une finalité signifiante. À savoir que la faute tend, s'il y a un inconscient, à vouloir exprimer quelque chose, non pas seulement que le sujet sait, puisque le sujet réside, ce que je vous ai exprimé en son temps par le rapport d'un signifiant à un autre signifiant, le sujet réside dans cette division même. Que c'est la vie du langage pour le langage, étant tout autre chose que ce qu'on appelle simplement vie. Que ce qui signifie mort, pour le support somatique, a tout autant de place dans ces pulsions qui relèvent de ce que je viens d'appeler vie du langage. Relève du rapport au corps. Et le rapport au corps n'est chez aucun homme un rapport simple. Outre que le corps a des trous même, au dire de Freud, ce qui aurait dû mettre l'homme sur la voie de ses trous abstraits, parce que ceci, c'est abstrait, non ? De ces trous abstraits qui concernent l'énonciation de quoi que ce soit. Le quelque chose qui est en somme suggéré par cette référence c'est qu'il faut essayer de se dépêtrer d'une idée essentiellement confuse et l'idée d'éternité. C'est une idée qui ne s'attache qu'au temps pensé. Dont je parlais tout à l'heure. On pense, et il arrive même qu'on en parle à tort et à travers, on pense un amour éternel. C'est vraiment pas ce qu'on dit. Et ce qu'on entend par là, l'autre vie, si je puis m'exprimer ainsi. Vous voyez comment tout s'engage. En somme, cette idée d'éternité, dont personne ne sait ce que c'est, cette idée d'éternité vous mène. Voilà. Pour ce qui est de Joyce, je voudrais... vous lire à l'occasion, mais enfin sachez que ça existe. Ça existe et que vous pouvez le lire très facilement en français, parce qu'il y a eu une traduction du Portrait of the Artist as a Young Man, Portrait non pas of the Artist, car je fais la un lapsus of an artist, portrait d'un artiste, comme un jeune homme, il y a une confidence que nous fait Joyce qui concerne ceci, c'est que à propos de Tennyson, de Byron, enfin des choses qui se référaient à des poètes, il s'est trouvé que des camarades l'ont ficelé à une barrière non pas quelconque, elle était même en fil de fer barbelé, et l'ont donné à lui, Joyce, James Joyce, camarade qui dirigeait toute l'aventure, était un nommé Héron, H-E-R-O-N, Héron. Cet Héron l'a donc battu pendant un certain temps, a aidé, bien sûr, de quelques autres camarades, et après l'aventure, Joyce s'interroge sur ce qu'il a fait que, passé la chose, il ne lui en voulait pas. Joyce s'exprime d'une façon, on peut l'attendre de lui, très pertinente. Veut dire que il métaphorise quelque chose qui n'est rien moins que son rapport à son corps. Il constate que toute l'affaire s'est évacué, il s'exprime lui-même en disant que c'est comme une pelure. Qu'est-ce que ceci nous indique? Ça nous indique que ce quelque chose de déjà si imparfait chez tous les êtres humains, le rapport au corps, qu'est-ce qu'il sait, ce qui se passe dans son corps? Justement, vraiment ce que j'ai dit, à savoir le rapport qu'il y a entre un corps qui nous est étranger et quelque chose qui fait cercle, voire droite infinie, qui de toute façon sont l'un à l'autre équivalent, quelque chose qui est l'inconscient. Alors, quel sens donner à ce dont Joyce témoigne? À savoir que ce n'est pas simplement le rapport à son corps, c'est, si je puis dire, la psychologie de ce rapport qui, car après tout, la psychologie n'est pas autre chose que ça, à savoir cette image confuse que nous avons de notre propre corps. Mais cette image confuse n'est pas sans comporter, appelons ça, comme ça s'appelle, des affects. À savoir que à s'imaginer justement ça, ce rapport psychique, on a, il y a quelque chose de psychique qui s'affecte, qui réagit, qui n'est pas détaché, comme Joyce en témoigne, après avoir reçu des coups de bâton, de ses quatre ou cinq camarades. Il y a quelque chose qui ne demande qu'à s'en aller, qu'à lâcher comme une pelure. C'est là quelque chose de frappant, qu'il y ait des gens qui n'aient pas d'affect à la violence subie corporellement. Il y a là une sorte de chose qui d'ailleurs est ambiguë. Ça lui a peut-être fait plaisir. Le masochisme n'est pas du tout exclu les possibilités de stimulation sexuelle de Joyce. Il y a assez insisté concernant Bloom. Mais je dirais que ce qui est plutôt frappant, ce sont les métaphores qu'il emploie, à savoir le détachement de quelque chose comme d'une pelure. Il n'a pas joui cette fois-là. Il a eu, c'est quelque chose qui vaut, psychologiquement, il a eu une réaction de dégoût. Et ce dégoût concerne son propre corps. C'est comme quelqu'un qui met entre parenthèses chasse le mauvais souvenir. C'est de ça dont il s'agit. Ceci est tout à fait laissé comme possibilité de rapport à son propre corps comme étranger. Et c'est bien ce qu'exprime le fait de l'usage du verbe avoir. Son corps, on l'a, on ne l'est à aucun degré. Et c'est ce qui fait croire à l'âme. À la suite de quoi il n'y a pas de raison de s'arrêter, et on pense aussi qu'on a une âme, ce qui est un con. Cette forme du laisser-tomber, du rapport au corps propre, est tout à fait suspecte pour un analyste. Cette idée de soi comme corps, a quelque chose qui a un poids. C'est ça que on appelle l'ego. Si l'ego est dit narcissique, c'est bien parce qu'il y a quelque chose à un certain niveau qui supporte le corps comme image. Mais est-ce que dans le cas de Joyce, le fait que cette image dans l'occasion ne soit pas intéressé. Est-ce que ce n'est pas ça qui signe que l'ego a une fonction dans cette occasion toute particulière? Comment écrire cela dans mon ego? Alors là, je trace, je franchis quelque chose dont il n'est pas forcé que jusqu'où va, si je puis dire, la perversion, hein, dont vous savez le mot, c'est ça. C'est la sanction du fait que Freud fait tout tenir sur la fonction du père. Le nebo n'est que la traduction de ceci. C'est que, comme on me le rappelait hier soir, l'amour est par-dessus le marché l'amour qu'on peut qualifier d'éternel. C'est ce qui se rapporte à la fonction du père qui s'adresse à lui au nom de ceci que le père est porteur de la castration. C'est ce que Freud au moins avance dans Totem et Tabou, à savoir dans la référence à la première horde. C'est dans la mesure où les fils sont privés de femmes qu'ils aiment le père. C'est en effet quelque chose de tout à fait singulier, ahurissant, et que seul sanctionne l'intuition de Freud. Mais de cette intuition, à cette intuition, j'essaie de donner un autre corps, précisément dans mon niveau, qui est si bien fait pour évoquer le bon niveau, ou comme on dit, la loi qui n'a absolument rien à faire avec les lois du monde réel, les lois du monde réel étant d'ailleurs une question qui reste tout entière ouverte, la loi dans l'occasion est simplement la loi de l'amour. C'est-à-dire la perversion. C'est très curieux qu'apprendre à écrire tout au moins mon devoir, serve à quelque chose. Et ce que je vais tout de suite, dont je vais tout de suite l'illustrer, est ceci. Supposez qu'il y ait quelque part, je vais dans là, supposez qu'il y ait là quelque part une erreur, à savoir que l'écriture passe ici une faute. En résulte, le vieux Borromien a cet aspect. C'est-à-dire, comme vous ne l'auriez certainement pas imaginé apprendre les choses comme ça de nature, imaginaire. C'est-à-dire que, comme vous le voyez, en lui qui est là, il n'y a plus qu'à quelque temps. Il glisse exactement comme... comme ce que Joyce ressent après avoir reçu sa raclée. Glisse. Le rappeur imaginaire n'a pas lieu. Il n'a pas lieu dans ce cas et s'il laisse à penser que si Joyce s'est tellement intéressé à la perversion, c'était peut-être pour autre chose. Peut-être qu'après tout, la raclée, ça le dégoûtait. C'était peut-être pas un vrai pervers. Parce que, il faut bien tâcher de s'imaginer pourquoi Joyce est si illisible. S'il est illisible, c'est peut-être parce qu'il n'évoque en nous aucune sympathie. Mais est-ce que quelque chose ne pourrait pas être suggéré dans notre affaire par le fait, par contre, qu'il a un écho d'une toute autre nature. Que celle qui ne fonctionne pas précisément au moment de sa révolte. Qui ne fonctionne pas tout de suite, tout juste après la dite révolte, car il arrive à se dégager, c'est un fait. Mais après ça, je dirais qu'il n'en garde plus aucune reconnaissance à qui que ce soit d'avoir reçu cette raclée. Et alors, ce que je suggère, c'est ceci. C'est que supposer qu'ici, là, je me marque bien là pour montrer qu'il passe par-dessus. Supposer que la correction de cette erreur, cette faute, de ce lapsus, dont après tout, il n'y a rien de plus commun à imaginer. Pourquoi ça n'arriverait-il pas que qu'un nez ne soit pas borné, hein? Que ça rate. J'ai 10 000 fois fait des erreurs au tableau en le dessinant. Voilà exactement ce qui se passe et où j'incarne l'ego, ici, l'ego comme correcteur de ce rapport manquant, de ce qui ne noue pas cornellement cas de Josh. Bon. Par cet artifice d'écriture, je dirais que se restitue le nez borroméen vous le voyez, ce n'est pas d'une face du nœud borroméen qu'il s'agit, c'est d'un fil. La différence entre la géométrie commune qui est celle d'où sort le mot face. La géométrie, c'est des choses qui jouent sur les faces. Les polyèdres, c'est tout plein de faces, de faces d'arête et de sommet. Mais le nœud nous introduit, le nœud qui est chaîne dans l'occasion, le nœud nous introduit à une toute autre dimension, dont je dirais que, à la différence de l'évidence de la face géométrique, c'est évité. Et justement parce que c'est évité, ça n'est pas évident. Il y a quelqu'un qui, dans un temps, m'a interpellé, pourquoi est-ce qu'il ne dit pas le vrai sur le vrai? Il ne dit pas le vrai sur le vrai parce que dire le vrai sur le vrai, c'est dire, c'est un mensonge. Le vrai intentionnel. Merci. L'intention est déjà distinguée. L'intention, le mot extension. Le vrai intentionnel écrit comme ça, ça peut de temps en temps toucher à quelque chose de réel. Mais ça, pour le coup, c'est par hasard. On n'imagine pas à quel point on fait de rater dans l'écriture. Le lapsus calami n'est pas premier par rapport au lapsus lingué, mais ça peut être conçu comme touchant au réel. C'est bien que mon nœud, qui est sparquois et uniquement sparquois, s'introduit le réel comme tel, faut pas se frapper. Ça ne va pas tellement loin. Il n'y a que moi qui en ai le maniement. Autant en faire usage, puisque ça me sert à vous expliquer quelque chose. On peut bien tolérer, puisque c'est ça la situation où vous êtes, que je folâtre avec mes faibles moyens. Mais c'est une façon d'articuler précisément ceci, que toute sexualité humaine est perverse si nous suivons bien ce que dit Freud. Il n'a jamais réussi à concevoir la dite sexualité autrement que perverse. Et c'est bien en quoi j'interroge ce que j'appellerai la fécondité de la psychanalyse. Vous m'avez entendu très souvent énoncer ceci, que la psychanalyse n'a même pas été foutue d'inventer une nouvelle perversion. C'est triste. Parce qu'après tout, si la perversion, c'est l'essence de l'âme, quelle infécondité dans cette pratique. Eh bien, je pense que grâce à Joyce, nous touchons quelque chose à quoi je n'avais pas songé. Je n'y avais pas songé tout de suite, mais ça m'est venu avec le temps. Ça m'est venu avec le temps à considérer le texte de Joyce. La façon dont c'est fait tout à fait comme un œuvre roméen. Et ce qui me frappe, c'est qu'il n'y avait qu'à lui que ça échappait. Et je vois qu'il n'y a pas trace dans toute son œuvre de quelque chose qui y ressemble. Mais ça me semble plutôt un signe d'authenticité. Je me suis arrêté à ceci. C'est que ce qui frappe quand on lit ce texte, et surtout ses commentateurs, c'est que le nombre d'énigmes que Joyce, son texte, contient, c'est quelque chose non seulement qui foisonne, mais on peut dire sur lequel il a joué, sachant très bien que qu'on s'occuperait qu'il y aurait des Joyciens pendant 200 ou 300 ans. Ces gens sont uniquement occupés à résoudre les énigmes, à savoir, au minimum, pourquoi Joyce a mis ça là. Ils trouvent naturellement toujours une raison, Il a mis ça là parce que il y a juste après un autre mot, enfin c'est exactement dans les histoires là, d'objet, de dimension, j'ai dimension et toute la suite, n'est-ce pas? Moi, il y a des raisons, je veux exprimer quelque chose. J'équivoque. Mais avec Joyce, on y perd toujours ce que je pourrais appeler son latin, d'autant plus que le latin, vous en connaissez un bout. Alors, l'énigme, heureusement, comme ça, dans un temps, je suis intéressé. Et un grand T, il s'agit de l'énonciation et de l'énoncé. Et l'énigme consiste en le rapport du grand T au petit T, à savoir de pourquoi diable un tel énoncé a-t-il été prononcé. C'est une affaire d'énonciation, et l'énonciation, c'est l'énigme. L'énigme portée à la puissance de l'écriture est quelque chose qui vaut la peine qu'on s'y arrête. Est-ce que ça ne serait pas là la conséquence de ce rabotage. Si mal fait, un égo de fonction énigmatique, de fonction réparatoire. Que Joyce soit l'écrivain par excellence de l'énigme, c'est ce que je vous incite, j'aurais pu vous en citer 20 exemples, un égo de fonction énigmatique, de fonction réparatoire. Que Joyce soit l'écrivain par excellence de l'énigme, c'est ce que je vous incite, j'aurais pu vous en citer 20 exemples, s'il n'était pas si tard, mais je vous conseille d'aller le vérifier. Ulysse en traduction française, ça existe, ça se trouve chez Gallimard. Si vous n'avez pas le vieux volume du temps de Sylvia Beach. Je vais quand même pointer quelques petites choses qui me paraissent notables avant de vous quitter. Il faut bien que vous réalisiez que ce que je vous ai dit des rapports de l'homme à son corps, qui tient tout entier ce que je vous ai dit dans le fait que l'homme là déjà dire son. C'est dire que, qu'il le possède. Qu'il le possède comme un meuble, bien entendu. Et que ça n'a rien à faire avec quoi que ce soit qui permette de définir strictement le sujet. Le sujet se définit d'une façon correcte que de ce qui fait le rapport, que de ce qui fait qu'un sujet est un signe en tant qu'il est représenté auprès d'un autre signifiant. Je voudrais aussi vous dire quelque chose qui pourrait peut-être quand même freiner un tout petit peu qui fait couvre. Le danse qui nous est permis de serrer par l'usage de ce nœud borroméen, de cette perversion. Il y a quelque chose quand même dont on est tout à fait surpris, que ça ne serve pas plus, non pas au corps, mais que ça ne serve pas plus le corps. Ça permettrait d'écrire un peu différemment le terme de condensation. Vous voyez que le livre à l'occasion. Ouais. J'aurais sûrement à y revenir, Je ne dis pas forcément devant vous, parce que après tout, je n'ai aucune espèce de certitude que, à l'heure actuelle, que l'année prochaine, je posséderai encore cet amphithéâtre. Mais supposez que je trouve quelque part un endroit de 70 mètres carrés, eh bien, ça fera la place pour 8 personnes, comptant moi. Et c'est le meilleur de ce que je souhaite. Il faudrait encore que je dise quelques mots, j'avais préparé, quelques mots de l'épiphanie, la fameuse épiphanie de Joyce. Que vous rencontrerez à tous les tours. Quand je vous prie de contrôler ceci, quand il en donne dix, toutes ces épiphanies sont toujours caractérisées de la même chose. Et qui est très précisément ceci, la conscience qui résulte de cet élément. À savoir, l'inconscient est lié au rêve. Chose fantastique, Joyce lui-même n'en parle pas autrement. Tout à fait visible dans Joyce que l'épiphanie, c'est là ce qui fait que, grâce à la faute, inconscient et réel se nouent. C'est quelque chose que je vais vous dire un petit peu lent, parce que je vais vous dire longtemps. Il y a quelque chose que je peux m'en mettre. Vous savez un peu ce que un dieu borroméen. Vous a dit ceci. C'est l'ego tel que je vous l'ai dessiné tout à l'heure. Nous nous trouvons en posture, se voir, se reconstituer strictement sous la forme suivante. Ici, c'est le réel. Ici, c'est l'imaginaire. Ici, c'est l'inconscient. Et ici, c'est l'ego de Charles. Vous pouvez facilement voir sur ce schéma que la rupture de l'ego libère le rapport imaginaire. C'est facile à le faire. Imaginez que cet imaginaire foutra le corps, foutra le mental ici, la conscience, comme c'est pour ça, le permet. Et il le permet incontestablement. Voilà les quelques indications que je voulais vous dire pour cette dernière séance. On pense contre un signifiant. C'est le sens que j'ai donné au mot de la pensée. On s'appuie contre un signifiant pour penser. Voilà, je vous libère.